Mais quel exemple pour les enfants. Quand je vais les pâtes, la nourriture, madame, n'est pas terrible. Je vais les petites.